contradiction. C'est une charge que je n'ai pas signée sur le contrat du son. Bref, je vous mentirais si je disais que je suis le seul maçon à bâtir le mur de la réussite sur le terrain de l'ambition. On n'a pas attendu la mafia ou la sélection pour se dire qu'un collectif pourrait nous mener vers l'horizon. On n'a pas les mêmes chances que ceux qui vivent dans les grandes villes. On est des campagnards avec l'appétit d'un troupeau de mille. Yen, qu'ils viennent ceux qui ne croient pas en nous. On a le futur pour leur montrer que le monde est à nous. On a toute la vie pour exercer ce talent qui nous hante, pour représenter ceux qui veulent nous voir vite grimper la pente. Suivez-nous, on marquera l'histoire du bout de nos plumes. Tu nous feras débarquer derrière un gros nuage de brume. On ne lâchera pas prise même si la crainte nous devance. Une montagne s'escalade qu'avec la force et la patience. Suivez-nous, là où l'amitié et la passion se nouent. Là où les mots et les rimes ont créé des destins qui se jouent. Là où les valeurs font parler la raison et le cœur. Là où le côté humain ressort plus de rire que de pleurs. Suivez-nous, là où le côté artiste a son importance. Là où la solidarité s'est vue agrandir nos chances de percer, de tutoyer nos rêves avec nos voix. Suivez-nous là où nos supporters ne cessent de nous donner la foi. On n'a rien à prouver à personne, c'est vrai. On attend juste que la bête qui sommeille en nous s'éveille. Des albums, des textes qui représentent nos traits. Peu importe l'addition, on en paiera les frais. Suivez-nous, moi comme Rifa, je rappe ce que je vis. Quand mon chargeur est rempli de rimes, c'est vos cœurs que je vise. Quand je ris, mon but est d'apporter de la chaleur humaine. Quand je pleure, mes larmes ont la couleur de l'encre pour colorer ma peine. Mes frères, peu importe la discipline, le sommet paraît si haut mais reste pour autant visible. Invincible est une équipe, si la traversée est commune. On a l'habitude d'agir avec des faces cachées comme la lune. Suivez-nous, là où l'amitié et la passion se nouent. Là où les mots et les rimes ont créé des destins qui se jouent. Là où les valeurs font parler la raison et le cœur. Là où le côté humain ressort plus de rire que de pleurs. Suivez-nous, là où le côté artiste a son importance. Là où la solidarité s'est vue agrandir nos chances de percer, de tutoyer nos rêves avec nos voix. Suivez-nous là où nos supporters ne cessent de nous donner la foi. Peu importe la discipline, suivez-nous. AJDS, Omax Prod, Aisance Music. Yeah, suivez-nous, la rage de vaincre n'est pas un défaut. Si on s'enferme dans nos pioles, c'est pour nous ouvrir à nos stylos. L'échelle de la réussite est bancale, voilà pourquoi on ne veut pas être sur les hauteurs d'un piédestal. Suivez-nous, là où l'amitié et la passion se nouent. Là où les mots et les rimes ont créé des destins qui se jouent. Là où les valeurs font parler la raison et le cœur. Là où le côté humain ressort plus de rire que de pleurs. Suivez-nous, là où le côté artiste a son importance. Là où la solidarité s'est vue agrandir nos chances de percer, de tutoyer nos rêves avec nos voix. Suivez-nous là où nos supporters ne cessent de nous donner la foi. Suivez-nous là où l'amitié et la passion se nouent. Là où les mots et les rimes ont créé des destins qui se jouent.